Une web série intitulée Nemosus a été tournée récemment à Nîmes, la Rome française, qui ouvrira le 2 juin 2018 son moderne musée de la Romanité, non loin de la célèbre Maison Carrée, temple dédié au petit-fils de l'empereur Auguste, et face à l'antique amphithéâtre romain où certaines scènes ont été tournées avec des comédiens locaux et d'autres venus de Paris et de Lyon. Chacun des 10 épisodes de cette web série, dirigé par Quentin Uriel, a été posté sur YouTube chaque vendredi soir de janvier à mars. Un légionnaire romain ayant heurté le petit train touristique nîmois, il s'ensuit, pour ce légionnaire, accompagné du conducteur de ce petit train, une série d'événements. Ces événements se déroulent d'une part dans notre présent, notamment dans ou près des plus célèbres monuments de Nîmes. D'autre part, au 1er siècle de notre ère, sous l'empereur Néron, dont ce légionnaire est l'entraîneur. Événement qui implique de nombreux dialogues en latin, que j'ai moi-même traduit. Rassurez-vous, ils sont en général sous-titrés en français. Cette web-série a déjà pris son envol. À ce jour, 28 mai 2018, elle a déjà été sélectionnée dans 14 pays différents, dont les États-Unis, pour participer à 27 festivals. Après y avoir été déjà couronnée maintes fois et y avoir obtenu les plus hautes distinctions, notamment à Washington et à Los Angeles, elle se situe désormais au 4e rang mondial des web-séries. Encore un bel exemple de la pérennité et de l'étendue de la vitalité du latin.